6 à 7 degrés ailleurs. Demain, la grisaille matinale va se disloquer progressivement et les éclaircies seront plus nombreuses au fil des heures entre les nuages. Une averse sera possible sur le bord de mer ou encore côté Ardennais. Ailleurs, le temps devrait rester sec et les maxima, à nouveau compris, entre 11 et 15 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Une nouvelle journée de mobilisation en Belgique, mobilisation contre le gouvernement Michel. Quand on voit qu'il manque 4,2 milliards dans le budget, nous demandons à quelle sauce nous allons être mangés. Plusieurs manifestations ce matin, dont une à Wavre, la ville du Premier ministre. Manifestations plus grève dans le secteur public, mais aussi dans de nombreuses entreprises privées. Pour les patrons, cette énième action donne une image catastrophique de la Belgique. Nous appellerons le patron des patrons dans un instant. L'ouragan Matthew, au-dessus des États-Unis en ce moment, il va bientôt quitter la Floride et atteindre la Caroline du Sud. Ouragan très violent, mais les dégâts sont moins importants qu'en Haïti hier. Les Diables face aux Bosniens ce soir au stade Roi Baudouin. Ce ne sera pas facile pour les Belges, d'autant qu'il y a pas mal de blessés dans les titulaires habituels. Et puis on terminera par ce nouveau clip de Robbie Williams qui fait polémique. Party like a Russian, la fête comme un Russe, ça ne plaît pas beaucoup au pouvoir en place en Russie. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Et d'abord, cette nouvelle journée d'action bleu-vert-rouge. Oui, les syndicats sont de nouveau fait entendre. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, peu de bus à Liège, Charleroi, La Louvière, des avions annulés ou retardés à Zaventem, des administrations communales fermées et cette manif du secteur public dans le fief de Charles Michel, le Premier ministre. C'était à Wavre ce matin. C'est de la colère pour le passé et c'est de l'inquiétude, effectivement, parce que quand on voit qu'il manque 4,2 milliards dans le budget, nous demandons à quelle sauce nous allons être mangés. Par rapport à AXA, à Caterpillar, etc., ce sont des gros chocs, ce sont énormément de pertes d'emplois qu'on perd. Dans les services publics, c'est plus sournois parce que c'est des non-remplacements, c'est des personnes qui partent et qu'on ne remplace pas, et c'est des services qu'on rend moins à la population. Donc c'est sans doute moins visible, mais par rapport à la réalité, on est aussi en perte d'emploi. Toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises jusque maintenant, en fait, entraînent vraiment une précarisation de plus en plus importante de la population en général. Et donc les CPS, ben, on est en première ligne justement confrontés à ces gens qui se retrouvent dans des situations qui sont invivables et intolérables. Des propos recueillis ce matin par Pierre Magos, 3000 personnes donc à Wavre, un bon millier à Bruxelles, devant ING, des rassemblements chez Techspace à Liège, des manifestants aussi à Caterpillar Gosselies, pas mal d'entreprises privées étaient à l'arrêt et certains travailleurs ont rendu visite aux fédérations patronales, visites qui ne se sont pas toujours bien terminées. C'est en tout cas le cas à Charleroi où la maison de l'entreprise a subi quelques dégradations. Avec nous, Marc Lambotte, le patron d'Agoria, la fédération des employés de l'industrie technologique. Bonsoir. Bonsoir. Oui, les entreprises étaient fortement touchées aujourd'hui en Belgique. Quelles entreprises, en fait ? Il y a les grandes entreprises du style Audi à Bruxelles, Volvo. Il y a eu des grèves chez Safran Aeroboosters à Liège. On peut simplement dire que toutes les grandes entreprises ont été touchées. C'était moins le cas pour les petites entreprises. Alors, du côté des patrons, vous avez fait les comptes. 13e grève depuis 2 ans, depuis le début du gouvernement Michel. C'est trop, selon vous ? Bon, c'est un malheur, hein. 13 actions qui nuisent vraiment à la compétitivité de la Belgique, à l'image de la Belgique. Ça n'a aucun sens. Bon, en plus, bon, suite à ce qui s'est passé aujourd'hui à Charleroi, il y a eu des incidents, évidemment. Tout ça n'aide pas à améliorer l'image de la Belgique et ça effraye, en fait, les entrepreneurs, ça effraye les investisseurs qui se trouvent à l'étranger et qui en considère de plus en plus la Belgique comme un pays dans lequel il ne faut surtout pas investir. En même temps, du côté de l'image des patrons, on peut dire qu'elle a été écornée ces derniers temps, Caterpillar, ING, vous n'avez pas le beau rôle là pour l'instant, hein ? Oui, Caterpillar, c'est un drame. Bon, soyons très clairs, là, c'est extrêmement malheureux. Mais regardons un peu le positif quand même. Il y a 2 ans, on perdait encore 5000 emplois dans le secteur technologique dans ce pays. Cette année-ci, on ne va pas en perdre 5000, on va en créer 3 000. Et même l'année prochaine, malgré l'impact désastreux de Caterpillar, on va quand même avoir un résultat positif au niveau de la création de l'emploi. Donc continuons à faire ça, parce que si on crée de l'emploi cette année, si 3 000 familles qui vont trouver du boulot, et je parle de famille, hein, parce que bon, quelqu'un qui trouve un boulot, ça impacte directement sa famille. C'est ça qui est important quand même. Merci Marc Lambotte, je rappelle que vous êtes la voix des patrons, vous êtes le boss d'Agoria, une fédération qui regroupe 1700 entreprises en Belgique. Et ce matin, syndicats et direction d'ING étaient entendus à la Chambre à propos de la restructuration annoncée lundi. La direction s'est une nouvelle fois justifiée. Elle a évoqué la digitalisation du secteur, les taux d'intérêt très bas. Elle a aussi reconnu qu'elle n'avait pas mesuré l'onde de choc qu'elle allait provoquer avec cette annonce. Fabien Vanecote était à la Chambre. J'ai parfaitement conscience que notre intention de procéder à une vague de licenciements, réduction d'effectifs, est tombée comme un coup de massue ce lundi. D'autant plus que notre entreprise continue d'obtenir de bons résultats. Mais selon moi, il vaut toujours mieux opérer une transition lorsqu'on occupe une position forte plutôt que d'attendre d'avoir le couteau sur la gorge. Voilà le genre de petite phrase de Rick Vandenberg, le CEO d'ING Belgique, qui a hérissé et syndicats et députés présents ce matin. Un dirigeant qui a admis avoir sous-estimé l'impact émotionnel des annonces de lundi, même s'il maintient qu'elles ont été mûrement réfléchies, et de promettre d'assumer ses responsabilités dans les départs, les reclassements. Il n'en dira pas plus, parlant 20 minutes sur les 3h30 de débat. Les députés, eux, ont beaucoup parlé pour afficher leur colère sur tous les bancs, majorité et opposition. Feu roulant de questions sur les aides perçues de l'État, les soutiens à l'emploi, pour parler de plans prétextes pour une meilleure rentabilité des actionnaires, de leviers partis vers les Pays-Bas, maison mère, d'évoquer le manque d'empathie de la direction et de promettre que les députés suivront de près le front commun gouvernement-syndicat face à la direction dans les difficiles négociations sociales qui démarre lundi pour s'efforcer de limiter les pertes d'emplois et la casse sociale. Négociation qui s'annonce difficile avec une direction unanimement pointée du doigt. Des négociations qui commenceront lundi chez ING dans le cadre de la procédure Renault. Un deuxième homme sous mandat d'arrêt après l'agression de deux policiers à Scarbec. Le parquet a effectivement confirmé l'arrestation et l'inculpation du frère d'Hicham, celui qui avait agressé les deux policiers. Le frère de l'agresseur est détenu pour participation aux activités d'un groupe terroriste. À Lessine, en Hainaut, ce terrible accident de voiture ce matin devant l'entreprise Baxter. Une collision frontale a fait 3 victimes. La jeune conductrice était la tante des 2 victimes. Frédéric Barizot est porte-parole du parquet de Tournai. Des témoignages et l'expert qui est descendu sur place, on peut apprendre que le véhicule dans lequel se trouvaient les personnes décédées a eu des mouvements de zigzag sur la chaussée, entraînant ainsi une collision frontale avec un véhicule venant en sens inverse. Et donc, malheureusement, on doit déplorer le décès de la conductrice, née en 94, ainsi que 2 de ses nièces, qui, elles, étaient nées en 2009 et 2011. Un troisième enfant né en 2007, lui, est entre la vie et la mort. Et on l'a appris il y a quelques minutes, selon le bourgmestre de Lessines, le troisième enfant est décédé cet après-midi à l'hôpital. En bref, encore l'inculpation du gérant de la résidence-service Le Massimo à Gosselies. L'établissement abritait 46 personnes âgées. Il a été fermé sur ordre de justice hier. Le gérant est en prison. Il est inculpé de faux, usage de faux et abus de confiance. Mathieu poursuit sa route. Il a fouetté la côte ouest de la Floride. Oui, et les États-Unis, Frédéric Carbone, viennent de faire un tout premier point de la situation. Effectivement, il s'agit de la première évaluation effectuée par le gouverneur de Floride. Et là, on passe du ton martial d'hier, partez tous, à celui protecteur du responsable politique qui a plutôt des nouvelles rassurantes à donner. Sur la partie sud de la Floride, là où Matthew a frappé pendant la nuit, les secours ont pu accéder à la plupart des régions. Les routes principales sont rouvertes, aucune victime à cette heure-ci n'a été recensée et on est dans des dégâts causés par une forte tempête tropicale, avec 600 000 personnes privées d'électricité. Rick Scott, le gouverneur, donne également des nouvelles des 20 000 habitants réfugiés dans les centres d'hébergement d'urgence. Là aussi, aucune de ces structures n'a été balayée pendant la nuit. Il ne s'agit là que d'une petite moitié du parcours de l'ouragan. Dans cette partie de la Floride, on est déjà dans l'après-Matthew. Mais plus au nord, c'est le cœur actuellement des violentes intempéries, des conditions extrêmes. Mais l'épicentre de Matthew reste encore à une bonne distance de la côte. Il y a encore des appels à l'évacuation de dernière minute, notamment à Jacksonville, qui est la ville la plus menacée par une brutale montée des eaux et où l'ouragan n'arrivera que dans plusieurs heures. Et notez qu'en Haïti, l'ouragan a fait d'énormes dégâts sur son passage. L'heure est au bilan. On déplore plus de 300 morts. Le pays est en ruine. Des images qui rappellent le séisme très meurtrier qui avait frappé l'île en 2010. La polémique autour du prix Nobel de la paix, attribué au président colombien pour son action dans le processus de paix avec les FARC, les rebelles colombiens. Ce qui pose problème, c'est que l'accord de paix signé entre le gouvernement et les guerrilleros n'a pas été validé par la population. Et puis Ingrid Betancourt, l'ancien otage des FARC a déclaré aujourd'hui que le comité Nobel aurait dû récompenser les deux parties, à la fois le président colombien et les FARC, ses anciens geôliers. Ce sont les élections législatives en ce moment au Maroc. Elles concernent forcément les 550 000 Marocains de Belgique. Alors tous ne sont pas passionnés par la chose politique. Certains s'intéressent d'ailleurs plus à la politique belge, mais d'autres aimeraient voter dans leur pays d'origine. Et pour cela, c'est compliqué. Reportage de Waoub Fayoumi à la rencontre des Marocains dans les commerces et les bureaux du centre-ville de Bruxelles. J'aimerais bien voter parce que c'est mon droit. C'est la première fois que je vais voter ici en Belgique. Les avis sont partagés. Les élections, ça vous intéresse? Et parfois, on ne veut pas les dire. Mais un autre problème apparaît dans les discussions. Les Marocains qui vivent ici en Belgique ne peuvent pas voter, n'ont jamais voté, d'ailleurs. C'est le consulat qui devrait un peu nous avertir ou nous envoyer du courrier pour dire qu'il y a possibilité. Mais comme nous n'avons pas du courrier officiel, on ne peut pas aller voter. Il faut savoir que la population marocaine résidant en Belgique, pour pouvoir voter, devait s'inscrire pour le 5 août. Hassan Bousseta est sociologue à l'Université de Liège. L'inscription pouvait se faire à partir de l'étranger, mais le vote n'est possible que par procuration ou en se déplaçant au Maroc, dans sa commune d'origine. Des démarches parfois complexes et beaucoup de Marocains de Belgique passent à côté. L'immigration n'a pas eu les portes ouvertes, on n'a pas simplifié les choses pour la participation de l'immigration. C'est la Bosnie qui nous attend en foot ce soir. Enfin, qui attend les diables, surtout. Deuxième match de qualification pour la Coupe du Monde au Stade Roi Baudouin. Sera compliqué. La Bosnie, c'est carrément notre plus grand rival dans le groupe H. Et en plus, il y a pas mal de blessés chez les Belges. Manu Jousse nous plante le décor. De nouvelles installations à Tubize, de nouvelles méthodes d'entraînement, le fameux drone qui épie les positions des joueurs. Toute la semaine, c'est un vent de fraîcheur qui a soufflé sur les Diables Rouges. Ce soir, toutefois, retour à de l'archi-connu avec la Bosnie qui devient tout doucement indissociable des campagnes qualificatives de la Belgique. Mondial 2006, Mondial 2010, Euro 2016 et désormais Mondial 2018, il est devenu presque impossible d'éviter la bande à Edin Džeko, aujourd'hui 23e nation mondiale et en constante progression. Pour ce qui s'annonce comme l'un des matchs clés de la campagne, Roberto Martinez est privé de quelques pièces maîtresses comme Vermaelen, N'Golan ou Dembélé. Mais le plus difficile à remplacer sera évidemment Kevin De Bruyne. Nasser Chadli, qui cumule forme et confiance dans son nouveau club de West Brom, pourrait être l'heureux élu, à moins que le sélectionneur n'offre ses premières minutes à Dries Mertens, qui ronge son frein et qui trépigne d'impatience. Pour une éventuelle association fraternelle entre Eden et Thorgan Hazard, il faudra donc attendre minimum le match suivant, lundi, contre Gibraltar. Et la rencontre de ce soir, c'est à 20h45, mais émission complètement foot dès 19h sur Vivacité. Robbie Williams ne passera pas ses vacances en Russie. Non, le chanteur britannique, star mondialement connu, pourrait même devoir faire une croix définitive sur ses futurs concerts là-bas. Son dernier morceau choque la Russie, on frise l'incident diplomatique. Julie Buron, qu'est-ce qui fâche tant les Russes? Ah bien, vous l'avez dit, c'est son dernier morceau, dont le clip a été dévoilé sur Internet avant la sortie de l'album au complet. Le titre en dit déjà long, Party like a Russian, la fête comme un russe, on écoute le refrain. Bon, Voilà, mais c'est pas tellement les notes de musique qui énervent les Russes, c'est le clip vidéo qu'ils jugent même raciste. Dans ce clip, on met en scène Robbie Williams dans le rôle d'un parfait oligarque russe. Il est tiré à quatre épingles et il festoie dans un luxueux manoir accompagné de ballerines plutôt sexy. Et puis il y a aussi les paroles, hein, Julie, qui fâchent un peu les Russes. Il est question d'un leader qui, je cite la chanson, prélève l'argent de toute la nation, prend la petite monnaie et se construit sa propre station spatiale et qui se définit comme un Rasputin moderne. On semble clairement dans l'allusion à Vladimir Poutine. Eh bien non, on n'y voyait aucune ressemblance, aucune satire. Le chanteur s'en est d'ailleurs défendu sur Twitter. Mais les tweets d'apaisement ne vont sans doute pas suffire. Non, le magazine Life a sondé des experts et selon eux, eh bien Robbie Williams ne pourra plus faire de concert en Russie. Les Russes peuvent faire preuve d'autodérision, mais pas les étrangers. Et donc c'est pas sûr, Julie, que l'album de Robbie Williams sorte dans les bacs russes alors? Non, et pas sûr non plus qu'il refera de sitôt un concert privé comme celui de cet été. Il aurait touché 1,5 million d'euros pour chanter lors de la cérémonie de mariage de la fille d'un oligarque russe, un homme d'affaires ayant fait fortune dans le pétrole. C'est pas si bas, Julie. Merci, Julie Buron. Eh ben, merci pour ces infos. Il est bien pour toi. Enfin, il est joli. Après, si on pense pas à tous les messages, il est bien fait, le clip. Esthétiquement, il est pas mal, effectivement. Ah oui, c'est plutôt sympa. Et puis, s'il est allé faire un concert privé là-bas, bah, il a pris les idées de ce qu'il a vu, probablement. Ah là, il était sur place, il a regardé. On n'est pas remercié. Ah ben, n'invitez pas Robbie Williams chez vous. Apparemment, il n'est pas sympa avec vous après. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30, Manu. Il est 17h15. On part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info et on va retrouver Catherine Gendrin pour nous dire ce qui se passe sur les routes. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, un accident impliquant plusieurs véhicules sur la N680 Angleur-Serein à hauteur de Sartilmans. La bande de droite est neutralisée en direction de Serein. Soyez vigilants car il n'y a pas de signalisation sur les lieux de l'accident. Notre motard Europe Assistance nous signale toujours des ralentissements sur le ring de Bruxelles. Vous perdez 40 minutes en circulation extérieure de Zaventem à Grand Bigard, ce qui risque de se compliquer suite à une camionnette en panne sur la bande de gauche qui est encombrée à hauteur de Zaventem et un camion en panne en circulation intérieure peu avant Groenendaal vous fait perdre une vingtaine de minutes. La bande de droite est neutralisée en direction de Waterloo et comptant encore un retard de 10 minutes au poste frontière sur l'E17 Gand-Lille entre Rekem et Neuville-en-Ferrin suite au ralentissement sur 3 km en direction de la France. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Chez Cora, 20 euros d'achat égale 1 timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Bonsoir tout le monde, nouveau 5 à 7 donc jusqu'à 19h. Manu, est-ce que vous avez souri aujourd'hui? Bah oui, c'est la journée mondiale du sourire, j'ai pas pu faire autrement. Ah bah forcément. Hein, je l'ai vu ce matin en me levant, hop. Alors, la banane. C'est de la radio, mais on va faire l'exercice, vous aussi de l'autre côté de la radio. On s'arrête une seconde, voilà, on sourit simplement. Voilà. C'est important, au pire si vous l'aviez pas fait aujourd'hui, au moins vous avez souri une fois sur votre journée pour cette journée mondiale du sourire. Ce soir dans l'émission, on va faire un peu de maths dans un instant, mais des maths utiles, parce qu'on apprend aujourd'hui que Jean-Paul Kapchick, c'est un géomaticien de l'ULG, et bien on apprend qu'il résout des crimes grâce à des calculs. En tout cas, il travaille sur un programme et la police a déjà pu vérifier que ses calculs étaient bons puisqu'il arrivait à trouver qui était criminel dans une histoire, où se trouvaient les criminels aussi. On va essayer de comprendre comment il calcule ça et comment il y arrive dans un instant dans le 5 à 7. On va parler de l'événement de ce week-end aussi. Vous savez que dimanche, c'est la soirée de clôture de Cap 48. Et avant ça, il y a une marche. Manu, vous allez d'ailleurs marcher. On en parlera dans un petit quart d'heure. Les 100 km, vous êtes prête? Bah, je vais essayer, hein. Oh, bah, on sent que dans la voix, vous êtes au taquet, en tout cas. Je commence à avoir un peu peur, là, faut dire. Les 100 km de marche pour Cap 48, on va en reparler dans quelques minutes. Et je vous rappelle, c'est l'occasion aussi de vous le dire, si vous avez des petits personnages avec un caouet jaune que vous voyez au feu, bah, ne les écrasez pas déjà. C'est des gens qui vous vendent des post-it pour Cap 48. Ça coûte 10 euros. Et c'est quand même bien sympa de dépenser ces 10 euros parce que, bah, on a toujours besoin de noter quelque chose quelque part. Le post-it dans ce cas-là peut vous aider, mais surtout c'est de l'argent qui va faire exploser le compteur, on l'espère dimanche, et qui va permettre d'aider beaucoup d'associations qui tout au long de l'année sont aux côtés des personnes handicapées qui ont besoin de moyens pour pouvoir se déplacer, acheter du matériel, être encadré aussi. Donc cet argent est bien utile, on compte sur vous. Vous

Et ça commence à arriver aussi chez nous. Et évidemment, les travaux que j'ai faits, ça rentre dans le cadre de la recherche. C'est pas encore vraiment appliqué, même si la police nous a déjà proposé quelques cas concrets. D'accord. Où on nous a demandé de résoudre des affaires, parfois avec succès, parfois non, parce que c'est une technique qui est encore expérimentale et qui nécessite des données particulières qui ne sont pas toujours disponibles dans les enquêtes. Mais concrètement, comment ça marche ? Alors concrètement, par exemple, il faut que déjà ça ne marche qu'avec les séries de délits. Hein, donc si c'est une personne qui a commis un délit isolé, ça ne fonctionne pas. Là, on peut pas. Rien faire, d'accord. Donc il faut que ça se répète. Oui, donc c'est un peu comme quand vous voyez dans des films des policiers qui mettent des punaises sur des cartes au mur. Mm-hmm. C'est un peu la base de la cartographie criminelle, mais évidemment... Actuellement, on utilise des ordinateurs pour faire des calculs beaucoup plus complexes sur base de ces cartes et de ces coordonnées. D'accord. Et par exemple, il y a un cas qu'on a réussi à résoudre, notamment sur Charleroi, avec une bande de malfaiteurs qui avait volé une voiture et commis plusieurs délits avec cette voiture, et puis abandonné la voiture. Mmh. Sur base des points des différents délits et du kilométrage de la voiture retrouvée, on a pu... calculer les itinéraires les plus probables des itinéraires avec la voiture et ainsi délimiter une zone de recherche relativement précise de la planque où les malfaiteurs cachaient la voiture entre leurs délits. C'est une technique qui fonctionne lorsqu'on a des données spatiales assez riches. Quoi. Mais donc il faut qu'il y ait une répétition et qu'il y ait des déplacements dans ce cas-là pour que vous puissiez à coup sûr trouver où se trouvent les malfaits ou alors dire où ils vont agir, c'est ça aussi l'idée. Oui, alors là, quand on fait de la prévision, c'est une technique assez différente. Donc là, on est vraiment dans le crime mapping décisionnel, où là, on va vraiment analyser des grands jeux de données. Par exemple, les coordonnées de tous les crimes de type cambriolage qui ont eu lieu dans une grande ville. Mmh. Et à partir de ces données, on va faire des analyses statistiques qui vont permettre de faire de la prévision, donc de dire que, par exemple, dans tel quartier de la ville de Liège, il y a un hotspot de cambriolage à telle saison de l'année, et donc on va envoyer des patrouilles de police pour tenter de prévenir ce type de délit. Quoi. Mais ça veut dire que vous, on vous cambriolera jamais, Jean-Paul, vous pourrez toujours le voir, le prédire. J'espère que non, en tout cas ça ne m'est encore jamais arrivé, mais je touche du bois. Ah bah évidemment, assez beau, ça ne... Ça ne marche pas, ça marche, c'est des statistiques, donc il faut beaucoup de données pour que ça fonctionne bien, quoi. Donc sur des cas isolés... Quand on a toutes ces données, est-ce qu'on a besoin de passer par ces calculs ou finalement on pourrait quand même trouver sans faire tous ces calculs-là? Est-ce que la police a besoin de ça? Disons que c'est des calculs qui peuvent être assez complexes parce que ça applique parfois des millions de données, des millions d'enregistrements, parce qu'on n'exploite pas que les données... sur les délits, on peut aussi très bien exploiter les données des téléphones d'utilisateurs ou les cartes de crédit. Donc on a vraiment besoin d'utiliser des outils très puissants qui font de la fouille de données. Et c'est pour ça que la cartographie criminelle a bien évolué depuis quelques années. On n'est plus vraiment au stade où on met des punaises sur des cartes. Quoi. Donc ça nécessite quand même des spécialistes, notamment des géographes pour ce genre de calcul. Et on combine évidemment les techniques de la géomatique avec la psychologie ou la médecine légale, la chimie. Une enquête policière, c'est très multidisciplinaire. Ça a l'air bien complexe en tout cas. Jean-Paul, je suis fatigué rien qu'à avoir eu toutes les explications, vous imaginez? J'espère que les auditeurs ne sont pas trop fatigués non plus. C'est le calcul que vous devez faire, vous imaginez. Des millions de données déjà, rien que ça, on est épuisé. Mais en tout cas, bravo pour ces recherches, ce travail. Et puis, bonne chance pour la suite, que tout se passe bien, Jean-Paul. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée. Oui, à bientôt. Dans la suite du 5 à 7, on va parler de ces 100 km de marche pour Cap 48. Le décompte a commencé tout doucement pour Manu Delporte qui va y participer. On en reparle avec elle dans un instant. Et puis on fêtera un anniversaire, les 50 ans de la Confrérie Nationale des Chauves de Belgique. Ça existe vraiment. Il y a une vraie histoire, on en parle juste après ça. Bonne nouvelle pour les futurs parents et jeunes mamans. Le Salon Baby Days se tiendra à Tour Taxi le 8-9 octobre. Découvrez toutes les nouveautés. Vous recevrez en plus des cadeaux, des échantillons et une photo gratuite de votre bébé. Baby Days à Tour Taxi le 8-9 octobre de 10h à 18h. Info babydays.be. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. Pour leurs 51 ans, Telemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Telemans. OLED, LED, électro, Hi-Fi, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Telemans. Nouveau, Comiacasa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis du marais ou les farfales pancetta formaggio. Comiacasa. Apportez un peu de chaleur. Découvrez Monde Positif, le mouvement citoyen ni de droite ni de gauche qui va agir concrètement pour vous redonner le sourire. Mondepositif.be. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Vivacité présente. Pardon monsieur, je cherche la gare. Comme ça, c'est tout simple. Vous voyez la rue du commerce équitable? Oui. Bon, vous la suivez et après 100 mètres, vous prenez le boulevard du juste salaire. Ah, des justes salaires, oui. Et ensuite, vous tournez à gauche sur l'avenue du respect de l'agriculteur. Ah ben c'est pas si loin ça finalement, merci. Vous en prie. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domaine de chevetogne.be. Avec Steve et votre journal 7 dimanche. Il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec l'ouragan Matthew au-dessus des États-Unis en ce moment, il va bientôt quitter la Floride, atteindre la Caroline du Sud. En Floride, jusqu'ici, selon Barack Obama, on a évité le pire, mais on n'est pas à l'abri d'une montée des eaux. Les dégâts matériels sont tout de même importants, pas autant que ceux qu'on a pu constater en Haïti où le bilan est beaucoup plus lourd. Matthew a carrément semé la mort et tout dévasté sur son passage. Un bilan toujours provisoire fait état de plus de 300 morts en Haïti. Une nouvelle journée de mobilisation en Belgique, mobilisation contre le gouvernement Michel avec des manifestations à Charleroi, Liège, Bruxelles, aussi chez ING. La plus grande concentration de travailleurs, c'est à Wavre qu'elle a eu lieu. Wavre, la ville du Premier ministre, où se sont retrouvées près de 3000 personnes ce matin. Manifestation plus grève d'ailleurs dans le secteur public et dans de nombreuses entreprises privées. Et puis vous aurez du mal à trouver un bus cet après-midi, en tout cas en région liégeoise et du côté de Charleroi. Dans l'actu aussi, ce terrible accident à Lessine en Hainaut. Une jeune fille qui conduisait ses nièces à l'école est entrée en collision frontale avec une grosse voiture. Elle est décédée dans l'accident. Ses deux nièces sont mortes également. Un enfant est toujours entre la vie et la mort. La jeune femme conduisait les enfants à l'école. En sport, les Diables face à la Bosnie, c'est ce soir au stade Roi Baudouin. Ce ne sera pas facile pour les Belges, d'autant qu'il y a pas mal de blessés dans les titulaires. L'occasion peut-être pour quelques nouvelles recrues de se faire remarquer. Et n'oubliez pas ce soir l'émission Complètement Foot dès 19h pour suivre ce match qui démarre à 20h45, mais on se remettra déjà dans l'ambiance avant. Manu, vous restez dans le coin, on parle des 100 km dans un instant. 100 km pour Cap 48, tout ça à pied, c'est une belle épreuve. Avance un petit point sur la météo. Cette nuit, les minima de 3 à 4 degrés de l'Ardenne à la Lorraine belge et de 6 à 7 degrés ailleurs. Pour demain, la grisaille matinale va se disloquer progressivement. Les éclaircies seront plus nombreuses au fil des heures entre les nuages. Une averse sera possible sur le bord de mer ou encore côté Ardennais. Ailleurs, le temps devrait rester sec, ça c'est bien. Maxima à nouveau compris entre 11 et 15 degrés. Dimanche matin, de 1 à 6 degrés. Vous marchez à quelle heure, Manu ?

J'attendais qu'à un moment ça dise Cap 48, mais c'est la musique complète de l'émission, donc ça peut durer très très longtemps. Avant de parler, ça peut prendre des heures. On va parler de sport d'habitude à cette heure-ci. Il y a François Zaleski qui vient nous voir, mais François, vous n'êtes pas tout seul aujourd'hui. Et non, on a une invitée de marque, mais elle était déjà là avant moi, dans le studio. Je chauffe la place en fait. Elle s'est auto-invitée. Mais je reste. On va parler des 100 km, Manu. Vous serez donc, vous allez faire partie de ce défi pour Cap 48, 100 km de marche ce week-end. Et vous serez vous au départ de marche. Marche en famille, 15h samedi. C'est normal, si on marche, on part de là. Ouais, ah bah c'est évidemment. Bien joué, hein, ça. Bouge aussi, ça marche, on aurait pu partir de là-bas. Vous êtes préparé comment ? Alors en fait, on a été, repris dans cette équipe fin juin, je pense. Et donc, on a reçu à ce moment-là un petit mémo sur ce qu'il fallait faire, comment il fallait s'équiper, comment il fallait s'entraîner. Et donc, pied gauche, pied droit. C'est ça. Pied gauche, pied droit. C'était un peu ça, finalement. Vous avez eu le mode d'emploi de la marche. C'est un peu ça. Mais ce qu'on nous conseillait surtout, c'était de marcher, forcément, et de faire au moins une fois une marche de 50 km. Ah oui. Et de faire au préalable une marche de 20 suivi le lendemain d'une marche de 30. Ok. Et entre deux, si possible, marcher un peu aussi quand même. Et donc là, ce sera la surprise de savoir pour les 100 km si ça fonctionne. Si on va y arriver, voilà, vous ne l'avez pas fait jusque-là. Est-ce qu'il y a eu un suivi nutritionnel aussi ? Vous avez dû adapter votre régime là maintenant quelques jours avant ou pas ? Non, on n'a pas vraiment un suivi avant, mais pour les entraînements, ça, on nous a conseillé bien sûr de nous hydrater, de prévoir plutôt des aliments riches, des noix, des noisettes, des barres vitaminées. Et puis, juste avant de partir, on nous conseille de manger des sucres lents, des pâtes complètes si possible et de bien manger avant le départ. Ah oui, c'est le menu des sportifs, hein, ça c'est 3 heures avant le départ, parce qu'il faut qu'on ait le temps de digérer un peu. Et pas trop de gruyère, il paraît. Oui, ça a évité. Un peu de tabasco peut-être aussi. Imaginons qu'à un moment ça ne va pas. Vous avez une cloche, vous avez quelque chose. Il y a une équipe autour de vous ? Alors oui, ça je pense qu'on a quand même un entourage assez confortable, entre guillemets, parce qu'il y a une équipe de la Croix-Rouge qui est là pour les arrêts, avec des kinés et des podologues, des étudiants et des bénévoles, des étudiants de la Haute École Libre de Bruxelles qui seront là. Et je pense que ça, c'est assez confortable tout de même. Et il y aura à manger aussi. Eux, ils ne vont pas marcher, alors ils seront à côté avec des voitures, des scooters. Oui, je pense qu'il y a des navettes qui sont organisées les différents points. Il doit quand même y avoir un truc énervant d'avoir des gens à côté qui, eux, ne marchent pas. Oui, je crois qu'il y aura des quads qui se filent derrière. Ouais. Alors, ça se fait en groupe. Il y a toutes les radios de la RTBF qui y participent. Il y a une partie donc, du groupe qui va faire les 100 km et puis d'autres qui vont rejoindre pour des étapes. C'est important le fait que ce soit en groupe. Mais ça, je pense que, à mon avis, c'est ce qui va nous tenir, hein, parce que 100 km tout seul et en plus en partie pendant la nuit, et quand il fait froid, vous venez de le dire, je suis pas sûre que j'y arriverai. Maintenant, là, face aux collègues, il va falloir jouer les durs, peut-être. Hein. Il y a le directeur de l'information qui est là, il y a Julie Morel, il y a David Bertrand qui sera de la partie aussi, Sébastien Joris, que vous avez déjà beaucoup entendu dans les reportages. Alors ça, c'est l'équipe info qui fait les 100, et puis chaque radio de l'RTBF nous suit pendant 20 km. Et je sais déjà que l'équipe de Viva va nous faire un peu d'animation en soirée. Ah ben avec entre autres Sylvie Honoré qui sera de la partie. Et on peut toujours vous parrainer, on peut toujours mettre de l'argent sur vos mollets. Évidemment, surtout aidez-nous, parce que c'est pas pour la gloriole qu'on fait ça, c'est pour une association qui s'appelle les Héliotropes et qui franchement a besoin de notre coup de main. Et si vous allez sur le site Cap 48 et que vous voyez la vidéo qui présente un peu cette association, vous n'hésiterez pas 30 secondes. Donc l'équipe marche et vous financez ce défi. Pour ça, vous allez sur agir.cap48.be. Il faudra juste trouver des occupations maintenant, parce que tout marcher pendant autant de temps, vous allez la chanter beaucoup de fois, la chanson 1 km à pied. Je suis pas sûre. Moi, je pense que je peux parler les 5 premiers kilomètres et après, je suis assez taiseuse, on va dire. C'est vrai. Bon, en tout cas, bonne chance, que tout se passe bien. Ben, on va essayer. Hein. On suivra ça, bien sûr, Manu, sur Vivacité tout au long de la journée. François, alors ici, on parle de la marche pour la bonne cause, mais c'est un sport, la marche. Ben oui, Cyril, évidemment que la sport, c'est un sport. Ben, vous faites déjà un petit peu de sport tous les jours, c'est la bonne nouvelle. En marchant, vous faites du sport, mais c'est aussi un sport reconnu, la marche, puisque c'est un sport olympique et c'est d'ailleurs en marche qu'on a la plus longue distance des épreuves athlétiques. Plus long même qu'un marathon, je ne sais pas si vous le saviez, puisqu'il existe un 50 km marche. Le marathon, c'est plus ou moins 8 km en moins. Et à Rio, cet été, on a vu pas mal d'images impressionnantes dans cette épreuve. Quand le Français Johan Diniz s'est effondré à la mi-course, il était victime de soucis gastriques. On a vu pas mal d'images de lui. On n'a pas vu que l'effondrement. Hein, voilà, on a vu d'autres choses. On a vu pas mal de choses, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de volonté dans ce sport et il en faudra aussi à tous nos collègues qui vont participer à ce défi. Vous imaginez partir pour 50 km sans s'arrêter. Au bout de l'effort, ça fait très mal. On voit qu'on peut avoir des petits soucis gastriques. C'est pas pour faire peur à Manu. On espère que tout se passera bien pour eux. Johan Diniz. Manu, vous êtes équipé. Est-ce qu'il y a un équipement spécial ou mais on s'arrête, nous. Il y a des petites pauses. Il y a des pauses. Toutes les 10 km environ, il y a moyen de faire une pause. Ok, voilà. C'est important. En compétition, par contre, c'est pas conseillé de s'arrêter. Il s'est quand même arrêté, hein, Johan Diniz, parce que la douleur était trop forte pour lui. Il s'est même évanoui, finalement. Mais il a quand même terminé la course au bout de l'effort. Donc, c'est encore une fois de très belles valeurs olympiques. Il était venu pour l'or, en plus, c'est un des favoris. Il est reparti avec la 8e place. Notez que c'est pas un cas unique, hein. On voit pas souvent des images de marche athlétique parce que c'est pas le sport le plus médiatisé, c'est vrai, mais les marcheurs, ils vont très souvent au bout d'eux-mêmes. L'image qui reste plutôt imprimée sur la rétine quand on parle de ce sport, en tout cas pour moi, c'est ces images de sportifs un peu désarticulés mais parce à fond. Qu'ils marchent pas comme vous et moi, évidemment, ça fait plutôt sourire. Et pourtant, ben, c'est tout sauf simple parce qu'il y a une technique particulière, parce qu'il est évidemment interdit de courir. Ils sont donc en permanence à la limite, ces athlètes. Et sur les gros événements comme les JO, il y a les juges, en fait, tous les 100 mètres, ils sont placés tous les 100 mètres pour vérifier que les marcheurs marchent. Alors, ils ne peuvent pas courir, mais ils vont super vite. Ça avance à quelle vitesse, alors, un marcheur professionnel comme ça? On va tout d'abord donner un élément de comparaison pour bien comprendre. Il faut savoir que quand vous marchez en rue, vous, tous ceux qui nous écoutent, en général, on va dire, la moyenne, c'est que vous tournez aux alentours des 6-7 km/h. Sauf quand vous faites les magasins. Voilà, ça, exactement. Sauf quand on fait les magasins. En marche athlétique, sur les 50 km, les marcheurs, ils ont une moyenne, eux, de 14 km/h. Ça fait presque deux fois plus vite, mais sans courir. C'est une vitesse de course. Ouais, c'est ça. Manu, elle me fait non. On ne dirait pas cette vitesse-là. Non. On a déjà plus ou moins calculé pour vous, hein, Manu, je pensais dire un peu plus tard dans la chronique, mais vous allez marcher 30 heures, plus ou moins, 100 km en 30 heures, ben, ça fait plus ou moins 3,3 km/h de moyenne. C'est déjà pas mal. Hein. Là-dedans, c'est un évidemment, peu tortue quand même. Hein. Il y a quand même quelques pauses, hein, évidemment, puisqu'il va falloir s'arrêter, se nourrir, parfois peut-être enlever les chaussures pour enlever un caillou. On imagine que tout ça est prévu aussi dans le timing. Après. Ça, c'est encore autre chose. Maintenant, je voulais vous dire. Mettre les chaussettes lundi, si vous voulez. on peut. Chiche, venez avec. Ne les lavez pas, venez, on verra si ça durcit de... Enfin bon, bref, on passe les détails. Entre 14 km/h, 7 km/h ou 3,3 km/h, il y a pas mal de différences. Oui. Et cette différence-là, il faut pouvoir la juger, justement. En fait, la règle, elle est très simple en compétition. C'est qu'en marche athlétique, il faut toujours qu'un pied, au moins un des deux pieds, soit en contact avec le sol. Donc d'abord le talon, puis en déroulant le pied, avec au moins une jambe tendue, si possible. Vous pouvez essayer, c'est pas si facile de marcher comme ça. Pourquoi des jambes tendues? C'est pour aller plus vite? C'est pour déjà avoir une règle assez facile pour pouvoir contrôler que les coureurs ne courent pas, justement, les marcheurs sont bien en train de marcher. Ça permet aux juges qui sont placés tous les 100 mètres de vérifier que personne ne triche. Alors justement, ces juges, s'ils constatent qu'un coureur est en train de courir plutôt que de marcher, ils lui brandissent un carton rouge, un deuxième carton rouge, troisième carton rouge, c'est la disqualification. Vous imaginez quand le troisième carton rouge, il tombe au kilomètre 49. Ah, ça doit être horrible. Ça fait 49 km que vous êtes en train de galérer et puis on vous tend un troisième carton rouge. Vous connaissez les règles, faut pas tricher. C'est juste un petit peu cruel, voilà. Donc c'est un sport où il faut pas mal de technique, on l'a dit, mais il faut surtout beaucoup de morale pour aller au bout. Puis il faut aussi pas mal de souplesse dans le bassin, puisqu'ils ont une démarche assez chaloupée. Il y en a qui les comparent à des canards. voilà. Bah, tout ça, c'est pas pour se moquer, c'est pour dire aussi que c'est très compliqué. Vous pouvez essayer. Moi, j'aime encore bien. C'est La démarche, ça fait un peu bassin bloqué, quoi. Ça fait un truc bizarre. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je conseille pas à Manu de le faire parce que ça, c'est un autre sport. Ce sera pas plus simple pour eux ce week-end, mais en tous les cas, on est déjà fiers d'eux d'oser relever le défi. On leur souhaite bonne chance à tous ceux qui vont participer. Merci. Et je rappelle qu'on compte sur vous pour aller donner de l'argent pour ce défi, donc agir.cap48.be. Vous savez à quoi ça me fait penser, les marcheurs professionnels comme ça? Ça fait un peu les gens très très loin en fin de soirée, un peu bourrés. Ils ont cette démarche-là, vous voyez, ça a l'air un peu flou. On ne sait pas s'ils dansent, s'ils marchent, s'ils courent, c'est un peu ça. C'est ça, c'est exactement un ça. Un grand n'importe quoi. Mais attention Manu, pas d'alcool. On verra ça dimanche soir, hein. Vous verrez normalement dans l'émission. L'arrivée pendant la grande soirée de clôture. On en parlera d'ailleurs du programme de la soirée avec Jean-Louis Lahaye qui sera l'invité de cette émission après le journal de 18h. Merci François, à tout à l'heure. Et Manu, bon week-end, bonne marche. Merci beaucoup. 5 à 7. On va s'intéresser aux cheveux, pas que sur la tête à Mathieu. On va s'intéresser à un anniversaire, les 50 ans de la Confrérie Nationale des Chauves de Belgique. Et Yves Catfolis est avec moi. Bonsoir Yves. Bonsoir. Vous êtes le conseiller général de cette confrérie. Racontez-moi un peu, parce qu'à la base, quand on a vu qu'il y avait une confrérie des Chauves de Belgique, on s'est dit c'est une blague. Eh ben non, c'est un vrai truc. Oui, certainement. Quand la confrérie a été créée il y a 50 ans, c'était naturellement des autres temps. C'était un moment où, quand vous étiez en humanité, ou même si vous aviez 50 ans et que vous commenciez à perdre vos cheveux, c'était naturellement dramatique, parce qu'on était différent des autres. Si on perdait ses cheveux à très jeune âge, on était complexé. Si on les perdait plus tard, on essayait avec des moumoutes ou de les peigner d'une telle façon durant un quart d'heure pour qu'on cache sa calvitie. Mais dès qu'il y avait un coup de vent, naturellement, ça repartait de plus belle et on était ridicule. Entre-temps, heureusement pour nous, les modes de vie et les modes tout court ont changé. Et maintenant, les jeunes trouvent tout à fait naturel de se raser ou d'avoir des cheveux qui changent chaque quinzaine et de se les peindre, se les tondre. C'est ça, tout passe tout est normal. Aujourd'hui. Et tout le monde essaye d'être différent, tandis qu'il y a 50 ans, la différence était anormal, je dirais. Dites-moi, Yves, j'ai quelques cheveux qui ont tendance à partir un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être membre de la confrérie? À partir de quel moment on peut y rentrer, pour les auditeurs qui nous écoutent? C'est-à-dire, les chauves complets étant rares, ouais, il suffit naturellement de perdre un certain pourcentage de ses cheveux, d'accord, d'être différent, peut-être mal dans sa peau, même si ça n'est pas nécessaire, et venir chez nous constater d'abord qu'on perd ses cheveux et ensuite promettre qu'on ne changera rien à ce que Dame Nature vous a donné ou vous a enlevé comme chevelure. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir Donald Trump? Parce qu'il a quand même une énorme moumoute. À un moment, il faut lui dire qu'il ne peut plus porter ça. À un certain moment, il faut assumer qu'on est chauve, jeter, je dirais carrément brûler sa moumoute et se dire à soi-même et à son entourage qu'on en a marre de faire semblant et assumer pleinement ce qu'on est. Eh bien en tout cas, bon anniversaire à la Confrérie Nationale des Chauves de Belgique. On a appris que ça existait en Houssette encore longue vie et que les chauves assument. C'est ça le message. Merci beaucoup. Bonne soirée au Yves. Plaisir. À bientôt. Juste après la pause, on accueille Ophélie Fontana qui sera là, c'est l'image du jour. Et puis le cactus de Jérôme de Wars et tout ça avant 18h. Et puis plein de choses après jusqu'à 19h. C'est le 5 à 7, bougez pas. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Otigny, portes ouvertes ces samedis et dimanches de 14 à 17h, dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle, à Otigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Quadrus October Days, action carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré, gratuit. Quadrus à Waterloo, Havre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, quoi? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah! Les inratables de Linebacker. On peut rater la cuisson de son rôti, mais pas les actions promo chez Linebacker. Embellissez avantageusement votre maison avec 40% de réduction sur les matelas de luxe Uno et Prestige. C'est chez Linebacker. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends encore. Sois pas si impatient, toi, dis. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais... Voulez-vous acheter mes post-it Cap 48? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Le grand carnage social s'amorce dans le secteur bancaire. Une vengeance des banques après leur sauvetage par les États et les règles qui leur ont imposées. L'enquête dans le Vif Express. Le Vif Express, pour ne rien vous cacher. Avec le Vif Extra, Voices of America. 5 à 7. Bah, qui voilà dans l'émission, Ophélie Fontana, bonjour. Elle a même pas fait de bruit en arrivant. C'est dingue, deux jours de suite, félicitations. Je m'applique, j'aurai ma gommette. Exactement, ouais, trop chouette. Et un petit bonbon en ours, vous savez, les ours mots comme ça. Vous aviez pas ça quand vous étiez sage? Bah si, même quand j'étais pas sage. Ah bon? Bah les volets forcément. Ah oui, vous me connaissez. Bah sinon vous n'en auriez jamais eu. Oh. Ophélie, l'image du jour. Même le vendredi, vous n'êtes même pas un peu plus sympa, franchement. Ah bah, je suis pas quelqu'un de sympa, ça. Ça continue, je vais pas venir faire l'image du jour hein, si vous êtes pas si vous n'êtes pas gentil. Bah chiche, oui. Lundi vous venez pas. Bah oui. Ok. Bon, l'image du jour. Même si c'est la journée du sourire aujourd'hui, elle est pas très drôle cette image. Ah, elle concerne l'ouragan qui est passé au-dessus des Caraïbes. Voilà, il s'appelle Matthew, et pour vous donner une petite idée, les vents sont tellement violents avec cet ouragan que ça fait plier les palmiers des Caraïbes, les célèbres palmiers des Caraïbes, puisque c'est toute cette région qui est touchée par Matthew, et il faut aussi ajouter des pluies torrentielles et des vagues gigantesques, donc c'est ça le cocktail, je pourrais dire entre guillemets, qui forme un ouragan. Alors l'ouragan, pour l'instant, il est sur la Floride, qui est une destination de vacances assez paradisiaque. Pas haute saison touristique, heureusement pour l'instant. Mmh. Un mort, des dégâts matériels importants, mais les autorités de Floride disent que le pire a été évité. Il y a toutefois toujours la crainte d'inondation avec la montée des eaux, puisque même si le plus gros de l'ouragan est passé, il continue à pleuvoir pas mal. Ouais. Il y a 600 000 foyers qui sont privés d'électricité. Donc l'ouragan, il était rétrogradé de 4 à 3. Il y a tout de même encore des vents de 195 km/h, c'est pas rien. Ouais. Et en plus, vu que cet ouragan continue de longer les côtes, en général, quand il va dans les terres, il diminue, mais vu qu'il va relonger les côtes, il pourrait reprendre en intensité. Donc il y a l'état d'urgence dans d'autres états aussi, les deux Carolines et la Géorgie. Et en Haïti, c'est dramatique, des gros dégâts et des victimes. Oui, là, à ce moment-là, c'était juste avant la Floride, l'ouragan était au plus fort. Là, il était toujours bien en catégorie 3 et il y a 478 morts. C'est énorme et malheureusement, d'heure en heure, le bilan évolue. C'est déjà un des pays les plus pauvres de la planète qui avait été touché par un séisme en 2010, plus de 200 000 morts. Et les Haïtiens n'étaient même pas encore remis de ce tremblement de terre avec des dégâts gigantesques, et ici tout est à recommencer, et là-bas tout se fait un peu à la débrouille. Il faut tout dégager, tout nettoyer à la main avec des pelles. Il manque d'eau, de nourriture, donc voilà, des militaires sont attendus sur place pour les aider, mais surtout ce que les ONG craignent maintenant, ce sont les risques sanitaires. Donc il y avait déjà eu une épidémie de choléra avec le séisme de 2010, elle n'était toujours pas éradiquée, mais ici, avec la montée des eaux, puisque c'est une maladie qui est transmise par l'eau, et bien cette épidémie de choléra pourrait reprendre de plus belle, et donc ça inquiète vraiment la communauté internationale. Bon, ben on leur souhaite plein de courage. Et il leur en faudra. On s'informe sur la situation tout à l'heure à 19h avec vous dans le 15 minutes et sur la 2. Et puis dans quelques minutes dans le journal de Via Cité. Merci Ophélie, bonne bon soirée. Week-end. Et donc je ne viens pas lundi, hein, n'oubliez pas. Vous ne venez pas lundi, c'est noté. Bon week-end, il est l'heure de retrouver le cactus de Jérôme Dewarzé. Cactus. Le cactus revient ce matin sur l'absence remarquée de Peter de Crème au Parlement. Le secrétaire d'État était parti 6 semaines à Harvard pour une formation. Mais oui, parfaitement, Benjamin, vous avez changé. Peter de Crème est rentré en Belgique et il était avec nous ce matin. Monsieur de Crème, bonjour. C'est quand même incroyable, on ne peut plus faire de télétravail maintenant. Oui, hein. Monsieur de Crème, 6 semaines d'absence aux États-Unis alors que vous êtes secrétaire d'État, excusez-moi. Je montre l'exemple, 6 semaines de formation sans perte de salaire. Et ah oui. Je voudrais dire qu'on dit de moi que je ne fais rien au Parlement et c'est faux. J'arrive à 8h30, je prépare les cafés, les biscuits, je vérifie le papier dans les toilettes et après j'envoie toujours un SMS à André Flau pour lui dire qu'il a été le pire ministre de la Défense depuis Charles Quint. Hein. Il n'y a personne pour le café et les biscuits au Parlement alors Si, un stagiaire un peu placé qui devait faire ses heures pour prouver qu'il avait droit à ses rétributions. Ah bon, qui donc? Le prince Laurent, vous connaissez? De nom. Ah mais ça ne convenait pas, il y avait des poils de Labrador dans les biscuits, le café avait un goût de poulpe, allez. Alors moi, après, je m'assieds et c'est fini. Mais, excusez-moi, mais vous travaillez combien de temps en réalité au Parlement? 12 minutes. Ah, oui. C'est 3 fois plus que vous. Oui. Ça est vrai que ce n'est pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une dépression à cause de ça. Vous vous rendez compte, je ne travaille quasi plus. Je suis en dépression. C'est affreux. J'ai l'impression d'être un Wallon. Effectivement. Ah, ça, moi aussi, je confirme. Hein. Il devient Wallon. Hein. Il n'en faut plus une et il commence à profiter. Oui, alors, monsieur Dewey, n'en rajoutez pas. Et puis, pardon, mais alors, être Wallon, c'est quoi? C'est la meilleure chose qui pouvait arriver à De Crème dans le douille. Voilà, monsieur Gobel. Ça permettrait à ce Fourier d'être enfin aimable et de vibrer en chantant la petite gaillon. C'est ça, bon. Cette tête d'asperge est payée des millions par le contribuable qui, lui, n'est plus rétribué qu'en route 40. Mon Dieu, quelle soupe. Alors, monsieur Michel, vous avez bien fait de le rappeler, Peter De Crème. Hein. Oui, il était temps, vraiment, ce n'était plus tenable. Il n'y avait plus de Moltenel triple épaisseur dans les toilettes hommes. Oui, heureusement, il me restait dans la poche quelques feuillets de revendications de la FGTB

clôturée, n'a pas donné des avis. Ça, c'est la responsabilité du groupe de 10. Mais à certains moments, c'est à nous de dire, enfin, on va essayer de trouver une solution. Réaction aux grèves et perturbations d'aujourd'hui, énième grève. C'est regrettable qu'on organise maintenant des grèves, etc. Parce que je vais essayer de trouver une solution équitable aussi pour les travailleurs et aussi pour les syndicats. Le groupe des 10 qui regroupe patrons et syndicats, le ministre fédéral de l'Emploi était interrogé par Fabien Van Eekhout. Chris Peters qui juge possible une réduction du nombre de licenciements chez ING Belgique. La direction table sur au moins 1700 licenciements secs, jusqu'à 1700 licenciements secs. Il faudrait présenter des alternatives créatives, explique le ministre de l'Emploi. Il était interrogé aujourd'hui en commission à la Chambre. Avant lui, interrogatoire pour la direction. Mieux vaut opérer l'évolution nécessaire tant que nous sommes dans une position de force, s'est défendu le patron d'ING Belgique face aux parlementaires. Et pour le personnel d'ING, la date de vendredi était retenue depuis lundi, depuis l'annonce de la restructuration. Les syndicats avaient appelé le personnel à se rassembler sous les fenêtres du siège bruxellois d'ING. Dans la foule aujourd'hui, des employés et des cadres. L'un d'eux travaille pour la banque depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, il sent que son agence en Wallonie est l'une des 600 menacées. Il n'imagine pourtant pas l'avenir en tant qu'indépendant. J'ai occupé différentes fonctions commerciales dans l'entreprise. J'ai travaillé dans plus de 10 agences différentes. Donc il faut savoir que chez nous, on demande une mobilité exceptionnelle. On reste toujours motivé malgré tous les changements technologiques qui sont imposés par la direction. Mais avec ce qui nous arrive, forcément, ça va être difficile de garder la tête haute. Et d'autant plus que là, on est parti pour un plan 3 mois de négociation minimum. Et on ne sait pas qui va être impacté dans cette restructuration. Et c'est très dur à digérer parce qu'on a une famille, on a des charges. Et puis, bon, l'âge est là. Imaginons demain, on perd son emploi, il faut retrouver un job. Hein. Je dirais qu'on a 50. Il y a encore, avec le nouveau système de pension, une dizaine d'années à faire. Même si on a de l'expérience, sur le marché de l'emploi, on est un peu handicapé à cause de l'âge. Un témoignage recueilli par Dominique Della. Les 200 agences ING sont restées fermées aujourd'hui. Les syndicats de l'usine Caterpillar à Gosselies ne sont pas contre une reprise des expéditions. Mais ils posent leurs conditions. Les sorties de machines doivent être compensées par l'arrivée de nouvelles pièces et dans des volumes comparables. Ils redoutent que l'usine soit vidée. Les expéditions ont cessé depuis le 2 septembre, depuis l'annonce de la fermeture du site. La direction menace de suspendre ses commandes si les envois ne reprennent pas. Les syndicats se sont donc réunis ce matin avant d'aller manifester, mais officiellement aucune décision n'a été arrêtée. Une famille meurtrie à Lessines et la population sous le choc. Il ne reste rien d'une petite voiture qui en a percuté une autre plus imposante ce matin sur la route de l'école à Lessines. La jeune conductrice de 22 ans conduisait ses jeunes neveux et nièces à l'école. Selon les témoins, la voiture a subitement zigzagué et percuté l'autre voiture en face. La conductrice et deux des fillettes en bas âge sont mortes sur le coup. L'aîné des 3 enfants, un enfant de 9 ans, est toujours entre la vie et la mort. Son état est très grave. Barack Obama annonce que les habitants du sud de la Floride ont évité le pire. L'œil de l'ouragan est retombé en catégorie 3, mais le cauchemar n'est pas fini. La Floride redoute une montée des eaux. Une personne est morte, aussi une femme. Elle a succombé à un arrêt cardiaque. Les secours n'ont pas su arriver jusqu'à elle. Il y a aussi les dégâts matériels et les coupures d'électricité. 600 000 foyers concernés. Thomas Mignon est un reporter que vous entendez régulièrement dans le 5 à 7. Il est l'un des 3 participants de la course à la Maison Blanche et il est bloqué en ce moment à Orlando dans un hôtel. Thomas nous raconte comment vit-on ce soir là-bas le passage de l'ouragan. La situation est ici encore assez floue. La plupart des clients de l'hôtel dans lequel je suis bloqué depuis maintenant hier après-midi se demandent encore si l'ouragan est bel et bien passé. Il faut dire que les vents n'ont pas été extrêmement puissants ici à Orlando. L'œil de Matthew s'est quelque peu déplacé vers l'est, ce qui est une bonne chose ici pour la population d'Orlando. Et malgré tout, nous sommes toujours sous un couvre-feu et tout le monde attend un signal pour pouvoir rentrer chez soi. Il y a quelques minutes, un couple a tenté sa chance en voiture et a pris la direction de la côte un peu plus au sud. Un autre homme racontait qu'il avait évacué son quartier après avoir consolidé sa maison à l'aide de planches, à l'aide de sacs de sable et qu'il craignait que les dégâts soient importants. En attendant, les transports, les bus, les trains, mais aussi l'aéroport, tous sont à l'arrêt. Alors la vie s'organise dans le hall de l'hôtel. La Croix-Rouge américaine est présente et chacun essaye de s'occuper comme il peut. Tout le monde se raconte ses anecdotes, les enfants jouent à des jeux de société. Tout ça dans l'attente du fameux feu vert qui pourrait n'être donné que dans 24 heures. Thomas Mignon, que nous retrouverons à 18h30 pour la course à la Maison-Blanche. Il nous en dira plus sur son parcours tempétueux dans le sud des États-Unis. L'ouragan balayant l'île d'Haïti, il y a quelques jours, a fait 572 morts. C'est un nouveau bilan, mais il est toujours provisoire. Ingrid Betancourt, l'ancienne otage des FARC en Colombie, estime que le prix Nobel de la paix aurait dû être partagé avec ses ex-ravisseurs. Le Nobel attribué au président colombien Juan Manuel Santos pour l'aider à remettre sur les rails l'accord de paix signé avec les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, un accord rejeté par la population dimanche. Une belle histoire avant de se quitter, Cyril. Ah. Est-ce qu'un prêtre peut mettre KO son agresseur? Oui. Bon, pour faire aussi bien que le père Bertrand, il faut être encore assez jeune, 48 ans, et avoir aussi un passé de judoka. Le prêtre de la paroisse de Sainte-Louise de Mariac, à Drancy, en région parisienne, a été réveillé ce matin par un cambrioleur. Samuel Aslanov, les policiers en arrivant ont été surpris. Le père Bertrand, c'est son nom, visiblement a des talents cachés dans sa soutane. Ce matin, alors qu'il était chez lui au presbytère vers 8h, il entend des bruits suspects, il se lève et tombe nez à nez avec un cambrioleur. S'ensuit une bagarre, le prêtre reçoit un coup de bouteille sur la tête. Mais loin de se démonter, le curé, qui a 48 ans et qui a fait du judo dans sa jeunesse, réussit à maîtriser son adversaire et à donner l'alerte. Quand la police arrive sur place, d'abord elle boucle le secteur car on craint une attaque terroriste. Mais quand les forces de l'ordre pénètrent dans le presbytère, elle découvre le curé en train de maintenir au sol le cambrioleur, une sorte de hippon. L'homme évidemment a été arrêté. Le père Bertrand lui a été brièvement hospitalisé ce matin pour soigner une entaille à la tête. Et il devrait être fidèle au poste après-demain pour la messe dominicale. Et à dimanche donc, père Bertrand. Ah ben il vaut mieux pas rater la messe chez lui, parce qu'on se prend une correction. Merci Delphine, bonne soirée. Dans un instant, c'est le journal des sports. Avant ça, un détour par le centre Perec, c'est le RTBF Mobile Info, avec Pierre Collard-Bovy. Bonsoir Pierre, comment ça roule? Bonsoir Cyril. Ben écoutez, ça commence déjà à se tasser sur le ring de Bruxelles, tant mieux. 20 minutes supplémentaires, 19 même maintenant, en extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 13 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour et Léonard, et tous les autres temps de parcours sont descendus en dessous des 10 minutes. Attention, quelques accidents signalés. Le premier sur le 429 Alto Tournée à hauteur de Mourcourt, la voie de gauche et la berme centrale sont neutralisées en direction de Tournée. Un autre dans l'échangeur d'Épigny, le passage est difficile dans la bretelle reliant le 42 venant de Liège au ring 3 de Charleroi en direction de Gouy. Un véhicule en panne sur le 42 Namur-Mons à hauteur de Manage en direction de Mons. Un pneu pourrait vous gêner sur le 42 Liège-Mons, peu avant Andenne, la bande de gauche est encombrée en direction de Mons. Accident sur la nationale 90 Liège-Mons à hauteur de Angleur, la bande droite est neutralisée en direction de Mons. Et puis encore un accident impliquant plusieurs véhicules sur la N680 Angleur-Serein à hauteur du Sartillement. La bande droite est neutralisée en direction de Serein. Attention, puisqu'il n'y a pas ou peu de signalisation sur les lieux de l'accident. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Vivacité, le journal des sports. C'est avec François Zaleski. François, on va s'intéresser au match de ce soir. L'ambiance qui commence doucement à monter aux abords du stade Roi Baudouin. La Belgique y accueille donc la Bosnie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. Oui, et c'est le match le plus dangereux pour les Diables Rouges à domicile dans ces qualifications parce que la Bosnie, c'est l'autre gros morceau du groupe H. Une équipe qui a rarement souri aux Belges dans le passé. Après 6 confrontations, les Bosniens mènent 3 victoires à 2. Le dernier match ayant accouché d'un partage, ce qui semble clair. C'est que la Bosnie est chaque année plus forte que l'année précédente, une évolution qui s'explique, comme le souligne le sélectionneur belge Roberto Martinez. At international level, probably you haven't got that amount of games that you can play within each other. Au niveau international, ce n'est pas évident de jouer un nombre de matchs significatifs avec la même équipe. La Bosnie est une exception car c'est une génération qui a grandi ensemble. On peut voir chez elle une grande solidarité. C'est une équipe qui arrive à transposer ce sens du collectif que l'on peut d'habitude voir en club. Donc c'est un peu notre challenge. Nous aussi, nous avons des joueurs qui se connaissent depuis longtemps. J'attends vraiment de voir ce qu'on peut faire ce soir. Alors Roberto Martinez avec Manuel Jus, il faudra donc se méfier de cette équipe bosnienne et des stars comme Pjanic ou Edin Dzeko, le bourreau préféré des Diables. Il a déjà marqué 5 fois contre nous en 4 matchs. On retrouvera aussi une vieille connaissance, le gantois Daniel Milicevic. Il a récemment intégré l'équipe nationale et confirme le point fort bosnien. Oui, je pense qu'on a une bonne équipe, surtout offensivement. Il y a des très bons joueurs. Dernier match, on a joué en 4-4-2 avec deux attaquants contre la Belgique. Je ne sais pas si on va jouer comme ça. Daniel Milicevic qui ne veut pas dévoiler trop tôt la tactique au micro d'Éric Libois. Côté belge, ben c'est pareil, noté, pas un seul indice pour savoir qui remplacera Kevin De Bruyne ou quelle sera l'animation choisie par Martinez. Le coach est resté très discret tout au long de la semaine. Pour en savoir plus, il faudra être branché sur Vivacité, complètement foot spécial Diable Rouge dès 19h. Coup d'envoi du match à 20h45, un match que vous pourrez aussi suivre sur notre site internet et bien sûr en télé sur la Une. Dans les autres groupes, plusieurs matchs avaient déjà lieu hier. Oui, on retiendra surtout deux partages, 1-1 entre l'Italie et l'Espagne et 2-2 entre l'Autriche et le Pays de Galles. Ce soir, la France est déjà sous pression. Après un match nul en Ukraine, les Bleus ne peuvent pas se permettre une contre-performance face à la Bulgarie. Les champions d'Europe portugais devront aussi gagner contre Andorre après leur défaite inaugurale en Suisse. Enfin, les espoirs belges jouent également aujourd'hui en qualification pour l'Euro 2017. Un match important en déplacement au Monténégro à 18h45. Les Belges qui peuvent prendre la tête de leur groupe en cas de succès. En tennis, David Goffin s'est qualifié ce matin pour les demi-finales du tournoi de Tokyo. En quart de finale, le Liégeois a battu le Portugais Joao Souza en 3 manches, 1-6-7-5-6-2. La nuit prochaine, il affrontera le Croate Marin Cilic, 11e joueur mondial. On reste au Japon encore, où les Mercedes ont repris du poil de la bête en Formule 1. Nico Rosberg et Lewis Hamilton se sont montrés les plus rapides lors des deux séances d'essais libres. Sport moteur toujours, mais chez nous, avec une édition anniversaire pour le Superbiker à Oui, Beau Jingle, c'est la 30e édition de ce rendez-vous incontournable pour les fans de deux roues. Depuis ce matin et jusqu'à dimanche, les motos vont tourner, sauter et déraper sur le circuit Jules Tachny. Le Superbiker, c'est un peu le rallycross des motards, une épreuve qui réunit toutes les disciplines de la moto en une seule course. L'organisateur Freddy Tachny nous rappelle le concept du Superbiker. C'est d'abord une grande fête familiale avec énormément de choses très très différentes, beaucoup d'animations, etc. Et sur le plan sportif, c'est l'élection du pilote le plus complet de toutes les disciplines moto, puisqu'on a un circuit mixte qui est constitué de bitume et de terre. Il y a quelques sauts et puis les motos sont des motos de cross mais avec des pneus de route. Et donc on rencontre des pilotes de vitesse pure, des pilotes de motocross, des pilotes d'enduro, des pilotes de trial, de speedway. Toutes les disciplines moto se réunissent ici et ils se donnent rendez-vous à Mété pour faire la fête d'abord parce que c'est après les championnats. Et puis deuxièmement pour voir qui est le meilleur de cette année. Ils seront 400 pilotes à se disputer ce titre de meilleur pilote de l'année. Ça a commencé aujourd'hui et il reste des places pour samedi et dimanche. On attend quand même 30 000 personnes ce week-end à Mété. Ah bah c'est bon à savoir si vous n'avez rien à faire pour le week-end. Merci François, bon week-end. Vous allez faire quoi justement vous pendant le week-end? Oh bah écoutez, je vais commencer par regarder le match de foot. Puis ouais. Dimanche, je vais aller marcher en famille et je vais soutenir donc moralement ça, c'est bien. Nos collègues de Cap 48. Et puis samedi, activité classique. Conduire les enfants à gauche, à droite. Ah bah, il faut bien, c'est important. Oui, c'est chouette pour eux, on a eu droit à ce privilège quand on était plus jeune aussi. Évidemment, exactement. Ben merci François, bon week-end. Et vous vous rappelez la marche Cap 48, les 100 km, forcément on compte sur vous, je vous le répète encore une fois. Mais voilà, il faut soutenir les mollets, tous ces journalistes, tous ces animateurs qui vont marcher pendant 100 km pour récolter de l'argent. Vous allez sur agir.cap48.be pour parrainer ce défi. Et justement, Cap 48, on en parle dans un instant. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. Forcément, dimanche, vous le savez, il y a la soirée de clôture de Cap 48. C'est l'occasion de faire la fête, oui, mais c'est l'occasion aussi d'être mobilisés tous ensemble pour une grande cause. On en parle dans un instant avec Jean-Louis Lahaye qui sera l'invité de ce 5 à 7. Jean-Louis qui animera cette grande soirée de clôture et qui nous dévoilera en fin de soirée le montant récolté grâce à vos dons. On partira aux États-Unis aussi. Vous savez qu'en ce moment, c'est la course à la Maison-Blanche. On trouvera Thomas Mignon. On en parlait dans le journal. Thomas, il est bloqué pour le moment dans son hôtel en Floride.

C'est Jean-Luc Reichmann, ouais, qui va débarquer, qui va déjà débarquer demain dans l'après-midi, parce que c'est quelqu'un de très investi et de très concerné par le handicap. Si vous avez lu son livre, vous comprendrez pourquoi, vous comprenez pourquoi, et vous allez comprendre aussi qu'il a vraiment envie de faire des miracles pour que dimanche on franchisse la barre des 5 millions d'euros. C'est l'objectif. Eh ben, on espère qu'on va y arriver. En tout cas, on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, oui, de la RTBF se mobilisent. Pendant la soirée, forcément, on pourra faire des dons. Mais déjà maintenant, on en a besoin. Il y a les post-it, ouais, à acheter. Il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de possibilités. Bien sûr. Oui, il faut réserver. Alors, d'abord, il faut réserver un excellent accueil aux bénévoles de Cap 48. Ah, ils font un travail formidable. Ah, voilà. La première, c'est qu'ils font d'abord un travail formidable. Et ça, il faut le dire. Et ils sont totalement investis. Moi, je les rencontre régulièrement. Je peux vous dire que vraiment, ils sont surmotivés. Et ça, c'est formidable. Et puis, deuxièmement, bah, parce que évidemment, il faut aider un maximum de personnes. Et c'est grâce, entre autres, à ces post-it de Cap 48 qu'on va pouvoir aider un maximum de personnes. Et puis, je rajouterai même encore un troisième point, c'est que ces post-it sont très beaux et ils sont très pratiques. Voilà. Et donc, il faut réserver un bon accueil aux bénévoles de Cap 48. Donc ça, c'est très important. Donc, jusqu'à dimanche, il y a les post-it, ouais, qu'on peut acheter un petit peu partout. Il y a la plateforme, oui, avec tous les défis qui sont proposés, tous les défis dont les 100 km, entre autres, on en a beaucoup parlé, oui, cet après-midi. Donc c'est, oui, oui, agir.cap48.be, c'est là-dessus qu'on va faire ses dons. Et puis pendant l'émission, il y aura le call center, il y aura toute l'équipe aussi qui sera au téléphone, les SMS. On ne peut pas passer à côté, Jean-Louis. On peut pas. C'est vraiment l'événement solidaire de l'année. Et puis c'est aussi un événement qui mobilise toute la population pendant une semaine, qui nous mobilise évidemment tout au long de l'année, parce que je rappelle aussi que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'organiser un événement durant l'année, ils sont évidemment les bienvenus. Évidemment. Et allez-y, allez sur le site www.cap48.be, organisez des événements, battez-vous pour améliorer le quotidien des personnes qui ont été touchées par le handicap. Parce qu'on le rappelle, et c'est vraiment le leitmotiv de la campagne, 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. C'est étonnant. C'est 15% de la population. C'est 1 600 000 personnes en Belgique qui sont touchées par le handicap. C'est important de le dire et de le rappeler. Donc on a besoin de vous, évidemment, et plus que jamais. Eh ben, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça peut être sur des petites choses de la vie. On est en train de bricoler et puis à un moment, ça se passe mal. Et, voilà, et il faut vivre avec ce handicap toute la vie. Heureusement, il y a des associations qui sont là parce que ce n'est pas toujours évident financièrement ou même dans les activités, dans la vie quotidienne de s'en sortir. Et donc, c'est à ça que sert l'argent de Cap 48 parce qu'on se pose souvent la question de savoir justement où va cet argent. Mais voilà, clairement, il est redistribué aux associations tout au long, oui, de l'année. Hein. Attendez, oui, oui. Alors, il n'y a rien de plus simple aussi parce que quand moi, je me balade un petit peu partout en Belgique et je peux vous dire que très régulièrement, je croise des camionnettes Cap 48, mmh, donc je me dis tiens, ah ben voilà, c'est génial de se dire on participe à cette aventure, on participe à cet élan de générosité et on améliore le quotidien d'autrui. On est complètement démunis face au handicap. La seule solution, c'est de se dire bah, je vais mettre quelques euros, voire même beaucoup, c'est bien aussi, pour améliorer le quotidien de ces personnes qui ont eu moins de chance que moi. Voilà. Et ben pour ça, on compte sur vous toutes et vous tous jusqu'à dimanche soir où on découvrira ensemble le montant en fin de soirée sur Vivacité et sur La Une en télé. Puis d'ici là, bon repos et bon travail Jean-Louis, parce qu'il va falloir tenir toute la soirée. Aucun problème. Je suis surmotivé, ne vous inquiétez pas. Et tout est naturel chez moi. Je suis à la vitamine C pour l'instant. Ah ben c'est très bien. Bonne vitamine C. Bonne soirée Jean-Louis. Je vous conseille. Allez, bonne soirée. À dimanche. Bisous à tous. 5 à 7. On est vendredi aujourd'hui, peut-être qu'on va avoir un bon plan pour occuper notre week-end en cuisine, je ne sais pas. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. J'ai envie de pousser la chansonnette. Allez-y, faites-vous plaisir. Je suis complètement nul, mais... Vous changez quoi? Oui. C'est un jeu vidéo? Alors, l'idée c'est que vous étiez censé dire « Ah oui, ça je connais !» Mais en fait, je suis tellement mauvaise à ça que vous ne pouviez pas... Recommencer? Bah alors là, non. Peut-être que je connais pas. Si, si, vous connaissez. Qui ne connaît pas la fameuse série Friends? C'était ça que je chantais. C'était ça qui a cartonné dans le monde de 1994 à 2004. C'est la méga gêne. Mais en même temps, voilà. 10 saisons. Vous savez que même avec les réponses, je ne reconnais pas ce que vous avez fait. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Mais j'ai donné de ma personne. 10 saisons, 236 épisodes et le titre de la sitcom indétrônable chez les trentenaires actuels. Le truc indétrônable. Vous faites partie des fans, vous connaissez le fameux Central Perk, vous vous souvenez, le café où se retrouve avec Chandler, ce bon vieux divan. Le fameux divan, le canapé orange qui se retrouve dans la scène finale du générique où ils s'installent tous dessus, ouais. Donc il y a Chandler, il y a Monica, Rachel, Phoebe, il y a Joey, il y a Ross, Eh bien, sachez que maintenant, Warner Bros., qui était le producteur de la série, s'est associé à la chaîne de café américaine 8 O'Clock pour ouvrir une réplique parfaite du fameux café Central Perk. Ah, c'est en fort. Plein cœur de New York. Oui, parce qu'il n'existe pas du tout. Il y a plein de gens qui le cherchent en New York, il n'y est pas. Exactement, c'est tout à fait dingue. On se dit que ça fait partie des meubles, et en fait, pas du tout. Donc maintenant, à Lafayette Street, dans le quartier de Soho, pour être précis, donc à quelques minutes de la 7e avenue, où était censé se situer le café dans la série, ils ont implanté un véritable Central Perk. Génial. C'est vraiment très fun pour ceux qui font un détour par New York. Tous les chanceux qui ont l'occasion de visiter ce café peuvent se permettre d'entrer dans la peau des personnages emblématiques de la série. Il y a des produits dérivés à gagner, vous pouvez assister à des concerts improvisés à l'image des performances inoubliables de Phoebe, vous vous souvenez de son titre « Tu pues le chat, tu pues le chat, chat ».« Tu pues le chat, comment te nourrissent-ils ?» C'est exact, c'était meilleur que moi au début de la séquence. Franchement, sur ce coup-là, c'est tout bon. On s'y croirait, limite je la vois avec sa guitare. C'est ça, ouais. Okay. Donc voilà, vous retrouvez toutes les infos sur vivacité.be si vous avez envie de faire un petit tour par les États-Unis, et si vous y allez en tout cas, faites un petit détour par là pour vous faire une aventure vintage reminder friends, et on a quelque chose qui va nous faire du bien au cœur. Maintenant je vais partir parce que j'ai honte de cette chanson et je n'ai plus rien à faire dans ce studio. Dommage que les castings de The Voice sont terminés. Non, je vais rentrer sinon à ma maison. Non, je vais rentrer à ma maison. Non. Bon week-end. Oui, oui. Demain matin dans cuisine, vous chanterez ou pas? Ah, ben non. D'accord. Ah, ben c'est dommage. Donc écoutez, ce sera mieux. Soyez là. Merci Candice, bon week-end. Bon week-end à vous. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris ? C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Abiome.be. La route pour la qualification mondiale 2018 continue. Les Diables Rouges face à la Bosnie-Herzégovine. Ce vendredi, en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Octoberfest, j'ai les new cars. Je vous propose 99 sublimes top modèles. 99 fantastiques Mercedes d'occasion récente en solde, prête à défiler pour vous, avec les horaires et sans trébucher. Yeah, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Octoberfest, c'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore near les new cars de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Near les new cars. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein ? Conditions sur pearl.be. Le soir présente Passion des montres. 100 pages dédiées aux montres de l'année, aux nouveautés, aux fines mécaniques à petit prix. Ce samedi 8 octobre, prenez le temps d'un magazine gratuit avec Le Soir. Demandez-le à votre libraire. Quadrus October Days, action carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré gratuit. Quadrus à Waterloo, Wavre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée, Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels à Zaventem et Waterloo. Il est 18h30, voici les titres de l'actualité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Des perturbations ce soir encore dans les transports en commun, surtout en Wallonie, à Liège, Charleroi ou La Louvière. Une grève menée en front commun syndical a touché certains secteurs. Des actions ciblées, notamment dans des entreprises durement touchées ces dernières semaines, ING et Caterpillar en tête. Ainsi, un millier de manifestants se sont rassemblés devant le siège de la banque néerlandaise à Bruxelles. Et puis une manifestation des services publics a réuni quelques 3 3000 personnes à Wavre, le fief du Premier ministre. Concernant ING, la direction et les syndicats ont été entendus pendant plus de 3 heures ce matin à la Chambre, en commission conjointe Affaires sociales et Affaires économiques. La direction s'est une nouvelle fois justifiée en évoquant la digitalisation du secteur bancaire et des taux d'intérêt très bas. Les négociations sociales démarreront lundi. Le prix Nobel de la paix a été attribué ce matin au président colombien Juan Manuel Santos. Celui-ci est récompensé pour son action dans le processus de paix avec les FARC, la guérilla marxiste. Le bilan du passage de l'ouragan Matthew sur Haïti ne cesse de s'alourdir. Il est à présent de 572 morts. Matthew qui longe à présent les côtes de Floride. Et puis un rendez-vous en football. Les Diables Rouges affronteront la Bosnie ce soir. Match qualificatif pour le Mondial 2018 en Russie. Merci beaucoup pour ces titres, Franck. On vous retrouve tout à l'heure à 19h. Est-ce que ça vous dit la météo? Vous voulez savoir quel temps il va faire? Allez-y. Allez, je vous le dis. Demain, d'abord cette nuit. Commençons par la nuit. Minima de 3 à 4 degrés de l'Ardenne à la Lorraine belge et de 6 à 7 degrés ailleurs. Demain, la grisaille matinale va se disloquer progressivement et puis les éclaircies seront plus nombreuses au fil des heures entre les nuages. Une averse sera possible sur le bord de mer ou encore côté ardennais. Ailleurs, le temps devrait, lui, rester sec, maxima à nouveau compris, entre 11 et 15 degrés. Dimanche matin, de 1 à 6 degrés. Va peut-être falloir gratter un peu le pare-brise si vous vous levez tôt dimanche. Dégelé blanc donc possible en Ardennes, de 9 à 14 degrés l'après-midi, avec un temps le plus souvent sec, entre éclaircies et nuages. Toujours un ciel variable, une averse possible localement en début de semaine prochaine, des températures aux alentours des 14 degrés sur le centre du pays, et des matinées quand même à la limite du gel sur les hauteurs. Il est 18h32, on part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. Quelle est la situation, Pierre Collard-Bovy? Ça se passe sur le ring de Bruxelles, donc ça va de mieux en mieux, plus que 19 minutes de retard, 19 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 13 pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem, et plus 11 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Attention, c'est quelques accidents. Le premier sur le 429 à Altournay à hauteur de Mourcourt, la voie de gauche et la berme centrale sont neutralisées en direction de Tournai. Accident dans l'échangeur d'Épigny, passage difficile dans la Bostelle reliant le 42 venant de Liège au ring 3 de Charleroi en direction de Gouy. Véhicule en panne sur le 42 Namur-Mons à hauteur de Manage. La bande droite est encombrée en direction de Mons. Puis un pneu pourrait vous gêner sur le 42 Liège-Mons peu avant Andenne. La bande de gauche est encombrée en direction de Mons. Accident impliquant plusieurs véhicules sur la N680 Angleur-Serein à hauteur du Sartillement. La bande droite est neutralisée en direction de Serein. Puis on attire l'attention sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de signalisation de ce côté-là. Donc soyez extrêmement prudents. Et puis on contrôle votre vitesse sur le 411 Bruxelles-Namur entre Cours-Saint-Étienne et Perouet en direction de Namur. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. On est encore là pendant une petite vingtaine de minutes, une bonne vingtaine, et donc je raccourcis la soirée et après il y a le foot ce soir tout à l'heure dès 19h, complètement foot spécial avec ce match Belgique, les Diables Rouges qui affronteront la Bosnie. Bon, on espère une petite victoire. Est-ce que vous y croyez vous en cette victoire? 30-63 pour me le dire par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. Dans la suite du 5 à 7, vous saurez tout sur l'histoire de Voyage. Je sais que vous aimez ça. On écoute des vieux morceaux et puis on apprend l'histoire qui va avec. C'est sympa, c'est Marc Toesca qui nous rejoint tous les soirs pour Pop Story. Et puis c'est pas tout, on va aller aux États-Unis dans quelques secondes. On va également retrouver Fiona Collien tout à l'heure. Elle fait partie de l'équipe de 7 à la Une. Tous les samedis sur la Une à 18h30, il y a 7 à la Une. Et vous saurez tout sur un avocat dont on a beaucoup parlé cette semaine, Jean-Philippe Mayence. C'est son portrait que vous retrouverez ce week-end, demain soir, dans 7 à la Une. Mais tout ça, on en reparle tout à l'heure dans le 5 à 7. Tout de suite, direction les États-Unis. Jusqu'à 19h. I accept your nomination for the presidency of the United States. La course à la Maison Blanche. La course à la Maison Blanche, vous pouvez la suivre en temps réel 24h sur 24 sur la page Facebook. La course à la Maison Blanche sur Facebook, donc c'est le principe d'une page Facebook, elle est rarement ailleurs. Ou alors sur le site rtbf.be/Maison Blanche. On a beaucoup parlé de l'ouragan Matthew qui est en ce moment au-dessus de la Floride. Justement, Thomas Mignon, qu'on devait avoir au téléphone là maintenant, est en Floride pour le moment. Il a posté une vidéo, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, donc la course à la Maison Blanche, vous pouvez aller voir la pluie qui tombe, l'ouragan qui, voilà, qui est en plein dessus, c'est assez impressionnant. Allez voir ça sur la page Facebook. On a réussi tout à l'heure à joindre Thomas Mignon, vous l'avez entendu dans le journal, il nous explique comment on vit ce soir le passage de cet ouragan en Floride. La situation est ici encore assez floue. La plupart des clients de l'hôtel dans lequel je suis bloqué depuis maintenant hier après-midi se demandent encore si l'ouragan est bel et bien passé. Il faut dire que les vents n'ont pas été extrêmement puissants ici à Orlando. L'œil de Matthew s'est quelque peu déplacé vers l'est, ce qui est une bonne chose ici pour la population d'Orlando. Et malgré tout, nous sommes toujours sous un couvre-feu et tout le monde attend un signal pour pouvoir rentrer chez soi. Il y a quelques minutes, un couple a tenté sa chance en voiture et a pris la direction de la côte un peu plus au sud. Un autre homme me racontait qu'il avait évacué son quartier après avoir consolidé sa maison à l'aide de planches, à l'aide de sacs de sable et qu'il craignait que les dégâts soient importants. En attendant, les transports, les bus, les trains, mais aussi l'aéroport, tous sont à l'arrêt. Alors la vie s'organise dans le hall de l'hôtel. La Croix-Rouge américaine est présente et chacun essaye de s'occuper comme il peut. Tout le monde se raconte ses anecdotes, les enfants jouent à des jeux de société. Tout ça dans l'attente du fameux feu vert qui pourrait n'être donné que dans 24 heures. Eh ben, on prendra des nouvelles de Thomas Mignon dès que possible, dès que les connexions sont établies, puisque pour le moment, le contact est un petit peu compliqué avec Thomas en Floride. Par contre, du côté de l'Oregon, on a des nouvelles de Catherine Tonero. Les nouvelles, elles sont sur Facebook, sur la page La Course à la Maison Blanche. Catherine a rencontré les premiers pro-Trump. C'est les premiers qu'elle rencontre dans son voyage. Ça se passe sur le parking d'un magasin. Et on est typiquement au cœur des États-Unis sur cette vidéo. Je vous invite à aller faire un tour. Donc sur la page Facebook, on va vous la partager sur la page de l'émission également, comme ça vous pouvez retrouver toutes les infos et donc des news de Thomas en vidéo et des news de Catherine également qui a rencontré donc ses premiers pro-Trump. Allez faire un tour et pendant ce temps-là, on vous retrouve Marc Touesca, c'est l'histoire de vos hits préférés. Voici Pop Story. Pop Story. Pop Story. Marc Touesca. Dans l'histoire des charts et des hit-parades, on a longtemps considéré que 2 minutes 30 était la durée idéale pour faire un tube. Mais vous allez l'entendre, en matière de chansons, il n'y a pas de règle en termes de longueur et de minutage. Le hit le plus court de l'histoire est l'œuvre de Johnny Trunk et Whiz Bay, deux Anglais bien allumés qui pondent The Ladies Brass, un tube de 36 secondes pointé en 2007 dans le top 40. The Ladies Brass est une chanson complètement loufoque qui rend hommage au soutien-gorge et aux femmes qui les portent, bien sûr. The Ladies Brass. The ladies' bras, the ladies' knickers, and the ladies' bras. The ladies' bras, the ladies' bras, the ladies' knickers, and the ladies' bras. The ladies' bras, the ladies' bras, the ladies' knickers, and the ladies' bras. The ladies' bras, the ladies' boobs, the ladies' bodies, and the ladies' bums. The ladies' bras, the ladies' bras, the ladies' knickers, and the ladies' bras. The ladies' bras, the ladies' bras, the ladies' knickers, and the ladies' bras. À l'opposé des 36 secondes de ce tube The Ladies Brass, on trouve les 9 minutes et 38 secondes de All Around the World que le groupe Oasis enregistre en 1998 pour leur album Be Here Now. Ce titre a aussi la particularité d'être le numéro 1 le plus long de l'histoire et pour lequel le groupe n'a jamais voulu faire de concession en proposant sur le marché une version plus courte et édulcorée. La durée d'une chanson peut aussi répondre à une certaine démarche poétique. Par exemple, dans son album « Quelqu'un m'a dit » classé numéro 1 des ventes en 2003, Carla Bruni a glissé « La dernière minute », un titre de 1 minute 03. 1 minute 03, le temps nécessaire sans doute et selon l'artiste pour dresser l'inventaire de toute une vie. Carlita, viens ici. Écoute, laisse-moi juste une minute, juste encore une minute, juste encore une minute. Pour me faire une beauté ou pour une cigarette. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour un dernier frisson, pour un dernier geste. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver. Juste encore une minute, sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Tout entière, tout à fait, dans toutes ces déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute. Alors,

Dans un instant, c'est Fiona Collienne qui nous rejoint pour nous parler de cette à la une et cette rencontre assez exceptionnelle avec Jean-Philippe Mayence. Ce sera dans quelques secondes, mais avant, Guillaume, il faut qu'on parle d'Elysse Moon. Il faut qu'on parle des stars. Et Elysse Moon, ben, on l'avait reçu hein, ici dans le 5 à 7. Alors, vous le savez, il est en train de présenter son spectacle. Il tourne un peu partout en Belgique, Cyril, pour présenter À Partager, qui est son futur spectacle. Mais vous savez où il a jeté son dévolu. Il y a une ville, ou plutôt une région. Ah ben, il y avait sa première date hier en Belgique, oui. Et qui était où? Dans la région de bah vous allez me le dire. Eh ben dans la région de Charleroi. Il s'est un peu baladé. Finalement, il est tombé amoureux de la ville et surtout bah, de la commune de Couillet. Et vous comprenez où je veux en venir ou pas? Elysse Moon, humoriste. Mais en fait, il a fait une photo qui fait un peu le buzz en ce moment, où il est devant le panneau de Couillet. Ouais. Mais évidemment, avec son épaule, bah, il a joué un peu l'astuce. Il a caché le thé avec ce... petit mot bis de la Belgique. Voilà. Et donc et il l'a fait sur Instagram, sur Twitter, et ça buzz assez pas mal parce que voilà, tout le monde rigole et tout le monde évidemment en va un peu de son commentaire sur la Belgique, sur la ville de Charleroi et sur la région de Charleroi. Et si on n'a pas compris la blague d'Elysse Moon, ça dit quoi? Parce que là, vous voyez, on visualise pas, on est à la radio, ça fait quelle blague? Vous voulez juste que je le dise, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Ben, évidemment, ça fait couillet sans le T, hein. Ça fait couille. Voilà. Il aura fallu 2 minutes pour le dire, mais on l'a dit. Voilà. Ça fait du bien, non? Moi, je sais pas. Ça, c'est votre truc. Je vous laisse vos histoires privées. Donc voilà. Ça, c'est la blague d'Elysse Moon. Ben, ouais, c'est la blague d'Elysse Moon et qui cartonne assez bien. Sinon, il est plus drôle sur scène, hein, quand même. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu pipi caca, mais après, c'est marrant. C'est vrai que, imaginez, vous venez de France et vous arrivez à Couillet. C'est vrai, oui, non, mais c'est vrai. Quand on connaît pas, forcément. Quand on se dit, ouais, t'es où, chérie? En France, ils ont mon cul. Alors, hein. C'est vrai, ils ont mon cul. Ils ont poil aussi. Et peut-être que les deux pays ensemble, on peut faire un corps humain complet. On pourrait, à 18h47, on prend des news d'une chanteuse. Mais oui, la chanteuse australienne Kylie Minogue, 48 ans. Alors, bah, évidemment, on va passer un peu des petits extraits, Kylie, se remémorer. Sinon, elle a fait des plus connus aussi. Elle a fait des... Il y a Fabien. Là, on est dans les récents, hein. Ouais, on mettrait bien une petite connue, là. Il y avait ça aussi. Ah, voilà, All the Lovers. Eh bien, justement... Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Kylie Minogue? Justement, ça parle d'amour. On parlait de la différence avec notamment Cap 48. Mais là, elle compte se marier. Elle est fiancée avec un acteur anglais qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Hein. D'ailleurs, il a 20 ans en moins, ouais. Joshua. Seulement, le problème, c'est qu'il est parti habiter en Australie. Donc, chez sa compagne, sa fiancée maintenant, Kylie Minogue. Le problème, c'est qu'ils ont découvert, lui a découvert, elle le savait, mais lui a découvert qu'il ne pouvait, que les couples homosexuels ne pouvaient pas se marier. D'accord. Et donc, il a été totalement choqué. Kylie Minogue aussi. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que des gens qui s'aiment ne peuvent pas se marier. Donc ils se sont dit, ben nous, tant que le mariage homosexuel n'est pas accepté en Australie, on ne se mariera pas non plus. Donc voilà, ils essayent de faire quelque chose, un petit coup de pression. Ouais. Et peut-être que les fans du couple ou de la chanteuse puissent aussi faire une pétition éventuellement. Lui qui a lancé le mouvement, là? C'est lui qui a lancé le mouvement. Donc ouais, c'est le gars qui n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de vous. Ouais, c'est peut-être ça. En fait, il a dit, quand j'ai découvert que le mariage homosexuel était illégal en Australie, j'étais stupéfait. Il a ajouté, je ne peux simplement pas comprendre que je puisse épouser la personne que j'aime et que quelqu'un d'autre ne puisse pas en raison de son orientation sexuelle. Ah bah merci Guillaume pour ces news. Encore un petit Kylie Minogue avant de partir. Ah ça c'est connu. Celle-là elle est connue. Tous les autres non, mais celui-là oui. Can't get you out of my head. Ah oh, c'était bien ça. Vous avez aimé ça Fiona Collienne? Can't get you out of my head de Kylie Minogue. C'était beau hein? Ça. Ah, excellent souvenir. Fiona, bonjour, on va parler avec vous de cette à la une. Ouais. C'est demain soir, ça reprend, 18h30. Mm-hmm. À chaque fois, vous avez un jour de travail, une semaine de congé, c'est ça dans l'équipe de cette à la une? Vous avez tout compris, ne le dites pas trop fort. Hein. Alors Fiona, vous avez réalisé le portrait qu'il ne faudra pas rater demain de Jean-Philippe Mayence. Oui, alors je vais tout vous dire, ce n'est pas moi qui l'ai tout à fait fait. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. C'est clair que Jean-Philippe Mayence, c'est un avocat dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et qu'on a aussi beaucoup vu à la télévision. évidemment, puisque le procès de Bernard Westphal, j'imagine que c'était difficile de passer à côté. Oui, forcément. Il s'est terminé hier soir et Jean-Philippe Mayence, l'avocat de Westphal, était évidemment omniprésent. Il a plaidé notamment de longues heures cette semaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début de l'affaire, donc au début de l'affaire Westphal, il avait accepté de recevoir cette à la une et de parler de lui sans tabou. C'était rare de pouvoir entendre tout ça sur cet homme-là, sur cet homme qui est assez, assez connu, mais assez secret. En même temps, en avocat, ça ne parle pas souvent de lui-même. Et donc l'idée, c'était, on s'est dit, c'est, vu ce qui s'est passé cette semaine, il faut vraiment qu'on puisse revoir ces images, qu'on puisse revoir cette interview. Donc ça résonne différemment, si vous voulez, cette semaine, de voir un petit peu qui est cet homme. Et donc ce sont mes collègues, mes super collègues qui ont réalisé ce tournage. Bah, ils sont bien sympas, parce que vous étiez vraiment en vacances alors, vous, pendant une semaine. Bon, ça va, n'insistez pas. Il y aura quoi d'autre au programme de cette à la une demain, Fiona? Alors, il y aura notamment une immersion en prison. Vous savez, depuis les grèves qui se sont passées en prison il y a quelques mois, c'est assez compliqué pour une caméra de télévision de rentrer en prison. Et là, on a pu le faire. Benoît Fait est allé voir notamment le travail des femmes qui travaillent en prison. Donc, ce n'est pas spécialement les prisonnières dans ce cas-ci, ce sont vraiment les femmes directrices de prison, les femmes qui travaillent aussi au quotidien dans les cellules, etc. Donc ça, c'est l'une des immersions qu'on aura. Et on va aussi beaucoup parler de la violence dans le foot amateur. Vous savez, ça, c'est aussi souvent dans l'actualité, des parents qui agressent les arbitres. Ouais, c'est un petit peu tendu et ça arrive quand même régulièrement. Et donc, on aura notamment le témoignage d'un arbitre qui s'est fait vraiment bien taper dessus par un parent. Donc ça, c'est l'une des choses aussi. C'est un phénomène de société dont on parlera également. Et puis Gilles Le Suisse, on se demande à chaque fois où il va, bien sûr. Il est parti où avec son beau coquin. Pull? Il était à Louvain-la-Neuve. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il a été faire à Louvain-la-Neuve en cette période? Il a peut-être essayé de faire du vélo, mais il n'y a pas de 24 heures. C'était pas ça. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Boire. Oui, bien vu. Il découvre le baptême estudiantin, évidemment. Ah, fallait bien qu'il voit un peu comment ça se passe. Quand il y a de l'alcool, il y a Gilles Le Suisse. Oui, c'est ça. Bon, là, voilà. Il y aura peut-être un petit peu d'alcool dans la séquence. C'est possible. Non, on verra ça. Oui, on verra ça. Et l'instantané, cette semaine, le portrait, c'est Ingrid Chauvin, qui est aussi très appréciée de ceux qui aiment les séries avec Ingrid Chauvin. Mais c'est elle. Oui, pas que les séries, on peut aussi aimer juste Ingrid Chauvin sans aimer les séries. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est possible. Oui, je vous le confirme. Merci. Et je vous en prie, je vous en prie. Bon, est-ce que vous ne voulez pas qu'on entende juste un petit bout de notre ami Jean-Philippe Mayence? Je vous avais préparé ça, mais vous n'avez pas le temps. Eh bien, effectivement, pour tout vous dire, on est un petit peu à la bourre. Bon, alors vous n'avez qu'à regarder l'émission. Eh ben, comme ça, on sera là. À coup sûr, demain, on est là. On merci, a bien Fiona. Ça. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Voici tout de suite le best-of des enfants de cœur. C'est maintenant. Écoutez avec. Écoutez bien, soyez attentifs. Parce que Dominique Watrin, il lui arrive un truc, il a perdu les clés de sa voiture. Les enfants de cœur. Dans moins d'une semaine, c'est le printemps. Youpi. Le week-end dernier, comme chaque année à cette période, j'en ai profité pour trier mes vêtements. Un sac d'habits de ma garde-robe et 10 sacs sortis de sous mon lit. Et je les ai embarqués en voiture vers le conteneur à vêtements situé à 100 mètres de chez moi en me disant... Comme ça, je ne fais qu'un seul trajet, je vais gagner du temps. Quand mes sacs ont basculé par la grosse trappe métallique du conteneur, je me suis dit, ouf, une bonne chose de faite. C'est seulement quand je me suis reculé, en me frottant les mains l'une contre l'autre, que je me suis rendu compte d'un détail. Mes clés de voiture... n'était plus dans aucune de mes mains. Habitué aux exploits physiques, j'ai aussitôt rouvert la trappe, j'ai agrippé les bords du conteneur et j'ai plongé bras en avant pour récupérer mes clés. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le rabattant d'un conteneur à vêtements, ça a un drôle d'effet trappe à souris. Quand mes pieds ont quitté le sol, j'ai senti sur le champ que je ne redescendais pas en sens inverse. Et je me suis rapidement aperçu que plus je donnais des coups de hanche en avant pour repartir en arrière, plus je m'enfonçais en avant sans revenir en arrière. Après 10 minutes de contorsion... qui n'ont réussi qu'à m'arracher quelques poils du ventre, j'ai réalisé que je ne m'en tirerais pas sans appeler au secours. Le cœur serré et les fesses un peu aussi, j'ai donc crié « Ohé, Il y a quelqu'un. J'ai continué à crier ça très longtemps. Et c'est au moment où je devais avoir la moitié du sang de mon corps qui m'était monté à la tête et où je commençais à m'imaginer mourir de faim, calé cul en l'air, que j'ai entendu une voix derrière moi. Oui, il y a quelqu'un, c'est à quel sujet ? C'était ma voisine Fernande. Je lui ai aussitôt demandé d'appeler les secours et elle s'est mise à hurler « À l'aide, un homme à la mer, un homme à la mer !» Ça ne faisait pas très malin, mais elle regarde beaucoup les rediffusions de « Alerte à Malibu ». Je pense qu'elle s'identifie un peu à Pamela Anderson. Puis, entre deux cris, elle m'a dit « Attends, Dominique, je vais te tirer !» Je n'ai pas eu le temps de répondre. J'ai immédiatement senti une secousse dans les chevilles et soudain, mon pantalon glissait le long de mes jambes. Habituellement, en été à la plage, on aime sentir les premières caresses du vent, faire frémir les poils de ses mollets. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai moins apprécié. Surtout qu'aussitôt, j'ai réalisé aux applaudissements que quand Fernande appelle de l'aide, elle amène beaucoup de monde. Lorsqu'un type a proposé derrière mon dos d'aller chercher son chalumeau pour découper la tôle du conteneur autour de mes fesses, j'ai commencé à prier pour la résistance à la chaleur des slips en coton. Le coup de grâce a été quand j'ai entendu un autre type crier plus loin, en attendant les pompiers... Je vais couper le contact de sa voiture. Ce sera toujours ça d'économiser. Je lui rendrai ses clés après. Mais celui que je haïrai le plus durant toute ma vie... C'est celui qui a ramassé mon pantalon sur le sol pendant que j'étais sur la civière et qui, pensant bien faire, l'a jeté dans le conteneur à vêtements. Les enfants de cœur seront de retour dimanche sur Vivacité. Là, dans un instant, il y a du foot. Grosse soirée quand même, hein, complètement foot spécial qui démarre dès 19h. Ça va parler du match ce soir. La Belgique affronte la Bosnie. Ce sera à suivre en direct dès 20h45 avec David et toute l'équipe, David Oudret et toute l'équipe qui seront là dans quelques petites secondes. Juste après, le journal de 19h. Bonne soirée sur Viva et bon week-end. Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute. Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même s'il y a des dépenses que vous préférez faire plutôt que d'autres. Waouh, t'as une nouvelle tenue? Ouais, c'est joli, hein? Bah ça, c'est grâce à Box. Grâce à qui? Grâce à Box. Tu connais pas? Économiser sur votre facture d'énergie, c'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack Énergie plus Box sur box2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. Connections a 30 ans. Fêtez ça avec nous et découvrez le monde à partir de seulement 300 euros. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'à demain soir. Surfez vite sur connections.be. Découvrez Monde Positif. Le mouvement citoyen ni de droite ni de gauche qui va vraiment vous donner plus de pouvoir d'achat. Mondepositif.be. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? De la musique qui fait rêver? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Ixina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Ixina.be. C'est bien pensé. Franck Ruel, bonsoir. Et tout d'abord, ce bilan qui devient dramatique en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew. Il dépasse à présent les 800 victimes, 842 précisément, selon un dernier bilan des autorités. Dans le sud de l'île, la zone la plus touchée, 80% des habitations ont été endommagées. Le gouvernement évalue à 350 000 le nombre de sinistrés ayant besoin d'une aide immédiate. Washington vient d'envoyer un navire militaire avec 300 hommes. Ils vont participer aux opérations d'assistance. L'ouragan longe à présent les côtes de la Floride, accompagné de vents violents et de pluies torrentielles. On déplore un premier décès, une dame décédée d'un malaise cardiaque. La force du vent a empêché les secours de se déplacer. Chez nous, journée de grève ce vendredi, pas une grève.